Juges chapitre 20. Alors tous les enfants d'Israël sortirent, et tout le peuple fut assemblé, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et jusqu'au pays de Galaa, vers l'Éternel, en Mitzpa. Et les cantons de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se trouvèrent à l'assemblée du peuple de Dieu, au nombre de 400 000 hommes de pied dégainant l'épée. Or les enfants de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés en Mitzpa. Les enfants donc d'Israël dirent, qu'on nous récite comment ce mal est arrivé. Et le Lévite, mari de la femme tuée, répondit et dit, étant arrivé à Giba, qui est de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit, les seigneurs de Giba se sont élevés contre moi, et ont environné de nuit la maison contre moi, prétendant me tuer, et ils ont tellement violé ma concubine qu'elle en est morte. C'est pourquoi ayant pris ma concubine, je l'ai mise en pièces, et je les ai envoyés par tous les quartiers de l'héritage d'Israël, car ils ont fait un crime énorme, et une action infâme en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, délibérez-en ici entre vous, et donnez-en votre avis. Et tout le peuple se leva, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, et ils dirent, aucun de nous n'ira en sa tente, ni aucun de nous ne se retirera dans sa maison. Mais maintenant voici ce que nous ferons à Giba, en procédant contre elle par sort. Nous prendrons 10 hommes de 100 dans toutes les tribus d'Israël, et 100 de 1000, et 1000 de 10 000, qui prendront de la provision pour le peuple, afin qu'étant entrés à Giba de Benjamin, ils la traitent selon toute la turpitude qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous ceux d'Israël furent assemblés contre cette ville-là, étant unis comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Alors les tribus d'Israël envoyèrent des hommes par toute la tribu de Benjamin pour lui dire, « Quelle méchante action a-t-on commise parmi vous ? Maintenant donc livrez-nous ces méchants hommes qui sont à Giba, afin que nous les fassions mourir, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères les enfants d'Israël. Mais les Benjamites sortant de leur ville s'assemblèrent à Giba, pour sortir en bataille contre les enfants d'Israël. Et en ce jour-là on fit le dénombrement des enfants de Benjamin qui étaient dans ces villes, et il se trouva 26 000 hommes, tirant l'épée, sans les habitants de Giba, dont on fit aussi le dénombrement, qui furent 700 hommes d'élite. De tout ce peuple-là il y avait 700 hommes d'élite, desquels la main droite était serrée, tout tirant la pierre avec la fronde à un cheveu près, et il n'y manquait point. Et les hommes d'Israël furent tout dénombrés, excepté ceux de Benjamin, et il s'en trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Or ils partirent, et montèrent à la maison du Dieu fort, et consultèrent Dieu. Les enfants donc d'Israël dirent, « Qui est-ce d'entre nous qui montera le premier pour faire la guerre aux enfants de Benjamin ?» Et l'Éternel répondit, « Juda montera le premier. » Puis les enfants d'Israël se levèrent de bon matin, et campèrent près de Giba. Et ceux d'Israël sortirent en bataille contre Benjamin, et rangèrent contre eux leur armée près de Giba. Et les enfants de Benjamin sortirent de Giba, et en ce jour-là ils mirent par terre de ceux d'Israël 22 000 hommes. Toutefois le peuple de ceux d'Israël reprit courage, et se rangea de nouveau en bataille au lieu où ils s'étaient rangés le premier jour. Parce que les enfants d'Israël étaient montés, et avaient pleuré devant l'Éternel jusqu'au soir, et avaient consulté l'Éternel en disant, « M'approcherai-je encore pour combattre contre les enfants de Benjamin, mon frère ?» Et l'Éternel avait répondu, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'approchèrent des enfants de Benjamin pour la seconde journée. Benjamin aussi sortit de Giba contre eux en cette seconde journée, et ils mirent encore par terre 18 000 hommes des enfants d'Israël, tout tirant l'épée. Alors tous les enfants d'Israël, et tout le peuple montèrent, et vinrent à la maison du Dieu fort, et y pleurèrent, et se tinrent là devant l'Éternel, et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et offrirent des holocaustes, et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Ensuite les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, or là était l'arche de l'alliance de Dieu en ces jours-là. Et Phiné fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant l'Éternel en ces jours-là, ils consultèrent donc l'Éternel en disant, « Sortirai-je encore une autre fois en bataille contre les enfants de Benjamin, mon frère, ou m'en désisterai-je ? » Et l'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Et Israël mit une embuscade alentour de Guiba. Et les enfants d'Israël montèrent pour la troisième journée contre les enfants de Benjamin, et ils se rangèrent contre Guiba, comme les autres fois. Alors les enfants de Benjamin étant sortis à la rencontre du peuple, furent attirés hors de la ville, et commencèrent à frapper quelques-uns du peuple, environ 30 hommes d'Israël, qui furent blessés à mort comme les autres fois, dans les chemins, dont l'un monte à la maison du Dieu fort, et l'autre à Guiba, parmi les champs. Et les enfants de Benjamin dirent, ils tombent battus devant nous, comme la première fois. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons, attirons-les hors de la ville, dans les chemins. Tous ceux d'Israël donc se levant de leur lieu, se rangèrent à Baal-Tamar, et les gens de l'embuscade aussi sortirent de leur lieu, savoir de la prairie de Guiba. Et 10 000 hommes d'élite de tout Israël vinrent contre Guiba, et la mêlée fut rude, et ceux de Benjamin ne s'aperçurent point que le mal les atteignait. L'Éternel donc battit Benjamin devant les Israélites, et les enfants d'Israël mirent ce jour-là, par terre 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tout tirant l'épée. Les enfants de Benjamin donc virent qu'ils étaient battus. Or ceux d'Israël avaient fait place à ceux de Benjamin, car ils s'assuraient sur l'embuscade qu'ils avaient mise près de Guiba. Et ceux qui étaient en embuscade, se jetèrent incontinent sur Guiba, ainsi ceux qui étaient en embuscade marchèrent à la file, et frappèrent toute la ville au tranchant de l'épée. Or ceux d'Israël avaient donné pour signal à ceux qui étaient en embuscade, qu'ils fissent monter beaucoup de fumée de la ville. Ceux d'Israël donc avaient tourné le dos en la bataille, et Benjamin avait commencé de frapper et de blesser à mort environ 30 hommes de ceux d'Israël, car il disait, quoi qu'il en soit, certainement ils tombent battus devant nous, comme à la première bataille. Mais quand la fumée qui avait été élevée, commença à monter de la ville comme une colonne de fumée, Benjamin regarda derrière soi, et voici toute la ville montait en feu vers le ciel. Alors ceux d'Israël tournèrent visage, et ceux de Benjamin furent épouvantés, car ils virent que le mal les avait atteints. Et ils tournèrent le dos devant ceux d'Israël vers le chemin du désert, mais l'armée d'Israël les serra de près. Et quant à ceux des villes, ils les mirent par terre, les ayant enfermés au milieu d'eux. Ils environnèrent donc ceux de Benjamin, et les poursuivirent, et les foulèrent aux pieds depuis Menua jusqu'à l'opposite de Guiba, vers le soleil levant. Et il y eut de Benjamin 18 000 hommes tués, tout vaillant homme. Alors ceux de Benjamin tournant le dos fuirent vers le désert au rocher de Rimmon, et ceux d'Israël en grappillèrent par les chemins 5 000 hommes, et les poursuivant de près jusqu'à Guidom, ils en frappèrent 2 000 hommes. Tous ceux donc qui tombèrent morts en ce jour-là de Benjamin, furent 25 000 hommes, tirant l'épée, et tout vaillant homme. Et il y eut 600 hommes de ceux qui avaient tourné le dos, qui échappèrent vers le désert au rocher de Rimmon, et qui demeurèrent au rocher de Rimmon 4 mois. Et ceux d'Israël retournèrent vers les enfants de Benjamin, et les frappèrent au tranchant de l'épée, tant les hommes de chaque ville que les bêtes, et tout ce qui s'y trouva. Ils brûlèrent aussi toutes les villes qui s'y trouvèrent.